Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus. Et puis cette semaine, pour un numéro exceptionnel, puisque j'ai des invités, ce qui n'arrive pas souvent dans Electric Shock, mais quand ça arrive, je suis vraiment satisfait, parce que ça permet de faire autre chose et souvent de faire découvrir d'autres artistes qui nous changent un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous passer. Donc ce soir, les invités, il y en a, c'est un habitué d'Electric Shock qui est venu pas mal de fois nous présenter, par exemple, le Trooper Fest du temps où il s'en occupait. Et il était déjà revenu aussi l'année dernière pour nous parler justement de la première édition de son festival. Et du coup, il était venu aussi précédemment pour nous présenter son groupe Prisma. Donc voilà, si vous avez écouté la semaine dernière, vous savez de quoi je parlais, puisqu'on va parler ce soir donc de la deuxième édition du Creek Fest, aussi de l'association Creek for Zig de Prisma, et aussi des deux autres groupes qui accompagnent ce Creek Fest, qui aura un groupe local Warm-Up, dont un des membres, Fred, est là également. Et normalement, nous devrions faire aussi une petite interview du troisième groupe, Earthline, qui est un groupe qui nous vient de Bretagne, je crois. Exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour Chris, bonjour Fred, c'est ça? Bonjour. Eh bien, ravi que vous soyez là. Donc j'espère que vous allez parler ce soir, parce que si je vous ai dit de venir, c'est parce que vous allez faire un peu mon boulot. Ce soir, c'est parti. Feignasser un petit peu. On va pas appuyer sur les boutons. Hein. Non, ça c'est moi le chef. Ah, c'est même. Moi le chef. Oui, chef. Voilà. Ok, chef. Garde à vous, repos. Ça ira, chef? Ça ira, chef? Ah ouais, ça va. Tu sais ce qu'il faut faire pour... Voilà. Je te caresse dans le sens les bonnes grâces du chef, voilà. C'est ça. Chut, faut pas le dire. Donc ce soir, justement, je ne vous ai choisi qu'une seule nouveauté. Donc là, parce que l'important, justement, c'est de parler du festival, des groupes qui vont y être. Et voilà. Vous êtes prêts? Bah tiens, je sais que Chris, ça va te plaire. Moi, j'imagine que Fred aussi. On va se passer un de tes groupes préférés. Avec l'official bootleg de Dream Theater, les démos de Distance Over Time, en version instrumentale. Et on va se passer la version de S2N. Ah ouais. Donc, tu vas nous dire s'il y a beaucoup de différences par rapport à la version chantée. Ok, pas de problème. Allez! Best to End, version démo instrumentale de Dream Theater, extrait donc de Distance Over Time, démos 2018. J'aurais pu laisser l'album tel quel. Hein. Ouais, mais c'est du tout bon. Hein. Mais par contre, le mixage, le son, il est travaillé autrement hein, sur ces bandes-là. Là. Oui, puisque c'est censé être des démos, donc... Ah ouais, bah voilà, ouais. Enfin, des démos sacrément élaborées, on va dire. Hein. C'est pas la... juste le petit 4 pistes et... Ah oui, bah, on s'en attend. Là, on est au-delà. C'est ça. L'ami Fred, il a reconnu la basse monstrueuse. Oui. De Dream Theater. C'est ça, c'est quand tu mets Dream Theater et après tu te dis que ton morceau à toi, il va passer tout de suite, tu te mets une certaine pression, n'est-ce pas? Non, mais ça vient du son aussi. Mais ouais. Voilà. Allez, on va continuer avec un vieux de la vieille, que eux, la retraite à 64 ans, ça les fait ricaner doucement, puisqu'ils ont fêté leurs 50 ans de carrière cette année. Enfin, ils auraient dû le faire il y a 3 ans, mais bon, déjà, Covid oblige, ça a été repoussé. C'est Uriah Heep qui vient de sortir son 25e album studio, là, au mois de janvier. Et si vous avez eu déjà l'occasion d'en entendre des morceaux, on voit que, bah, je pense qu'ils en ont encore pour quelques bonnes années encore. Et les membres originaux, pardon, il en reste combien? Il en reste un. Ah oui, d'accord. Mais les gens qui sont dans le groupe, par exemple le chanteur, le clavier, sont là depuis plus de 35 ans quand même. Ça va. Donc ils ont quand même une certaine légitimité. Quoi. Ouais, ouais. Oui, je crois qu'ils ont perdu le batteur il y a quelques années, pas si longtemps. C'était pourtant Licker's Lake, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait, mais il avait quitté le groupe déjà il y a une bonne dizaine d'années. Il était pas très en forme. En nuit de santé, et il est décédé il y a 3-4 ans. Quoi. D'accord. Et donc le batteur actuel est là quand même depuis plus de 10 ans. C'est la même chose pour le bassiste qui est décédé il y a une dizaine d'années aussi. On peut dire que maintenant le groupe a une... comme assez stable. Ouais. Une deuxième vie, finalement. Oh ben, depuis 86, on peut dire que le line-up a quasiment pas bougé et puis que les albums sont très très bons. Comme ce Chaos and Color, on va se faire Hail the Sunrise. la série Les Papis font de la résistance, je voudrais Magnum. Oh, avec Princesses Rags, yes. The Cult, qui était extrait de l'album Sacred Blood, Divine Lies, sorti en 2016. Ah, 2016. Ah oui, c'est pas récent. Mais ils sont toujours en activité. Ils ont sorti un album d'ailleurs l'année dernière. Ah oui. T'en avais passé ? Non, parce que je ne le possède pas. Bah, tout voilà. Simplement. Ah bah voilà, pourquoi. Voilà. Et avant, sorti au mois de janvier, le tout nouveau, tout chaud, Uriah Heep, leur 25e, Chaos and Color, et c'était Hell the Sunrise. Que de la bonne zik. Mais il n'y a que de la bonne zik dans Electric Shock. Tout le temps. Voilà. Bon, sauf quand ça hurle, mais tu le sais. Voilà. Oui, mais c'est bon quand même, parce que bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. C'est ça. On va se faire la seule et unique nouveauté de la semaine. Avec un groupe que, si vous avez écouté ces dernières semaines, vous connaissez, parce que on a passé l'interview du groupe Asylum Pyre, où on avait donc discuté du cinquième album. Et puis, si vous êtes des vieux auditeurs et que vous vous souvenez de tout, rappelez-vous qu'on a passé quasiment tous leurs albums au fur et à mesure de leur parution. Donc, métal symphonique très intéressant, qui s'appelle Call Me Inhuman, et on va se faire le morceau There I Could Die. Donc, première nouveauté de la semaine. Me Why, extrait de W, le premier album du groupe Jirfia. Et... Tell Me Why. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Ah, c'est marrant, ça. Tell Me Why. T'es sûr? J'ai pas dit ça. Dark Storms. Ah, j'ai entendu Tell Me Why. Excuse-moi. Et juste avant, Asylum Empire avec leur nouvel album, le cinquième, Call Me Inhuman, The Son, The Fight Part 5. C'était There I Could Die. Dont on m'a glissé à l'oreille que c'était autoproduit, c'est ça? Tout à fait. Oui. Très bon. J'en suis pas revenu. Avec de très beaux gros moyens quand même. Et puis bon, c'est un groupe qui existe depuis une quinzaine d'années, donc qui a quand même. Ah oui, un peu d'expérience quand même. Quoi. Pour avoir discuté avec eux, ils ont tous plein de projets dans plein de domaines différents. Donc. Oui, ils peuvent. C'est très très pro. Oui, exact. Eh ben, tiens, Chris, tu vas parler un petit peu, parce que samedi soir, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose avec Léry, je crois bien, oui. Eh bien, donc, oui, effectivement, samedi, on remet les couverts, comme dirait l'autre. C'est le Creekfest numéro 2, la deuxième édition, pardon. Donc, c'est samedi, ouverture des portes 19h. Ça se passe à l'Espace Loire. C'est le nom de la salle des fêtes, quoi, en fait, hein. À Cléry-Saint-André, très facile pour trouver, c'est juste à côté du stade de foot. Et puis de toute façon, il y aura du fléchage, et puis maintenant on a tous l'ami Mappy et GPS avec nous, donc bon, presque voilà. Presque tous, Christophe. Bref, donc voilà, cette année 2023, donc trois groupes, comme l'année dernière d'ailleurs, hein. La petite nouveauté cette année, on a voulu en même temps se faire plaisir, donc il y a toujours évidemment la vocation groupe locaux, puisqu'il y aura donc nos potos de Warm Up, qui est un groupe, voilà, le premier membre il est à 10 km de chez moi, donc on va vraiment dire du local. Et puis donc Warm Up, voilà, ils nous font du hard rock, mais chant français, hein, c'est ça? Pas que. Voilà, s'il y a un petit mix des deux, c'est une bonne habitude d'ailleurs de Warm Up, avec un petit peu plus d'anglais que de français, mais il y a du français. Et puis il y a même quelques hommages à des icônes du hard français, ce qui devient plus très connu maintenant, mais. On s'y attelle, Donc du bon vieux hard rock qui va bien. Évidemment, il y aura Prisma, puisque bon, l'assaut, elle est aussi quand même à la base, elle a été montée pour aider notamment les groupes dont les musiciens font partie aussi de l'assaut, donc Prisma. Et puis cette année, la nouveauté, on s'est saigné un peu plus, et donc on fait venir un groupe professionnel qui nous vient de, effectivement, région Bretagne, en tout cas son fondateur est de Bretagne. Ce groupe s'appelle Earthline, et ils nous font de l'AOR. Alors, énormément de gens... Pour ceux qui ne savent pas, en France on dit Hard FM. Voilà, Hard FM. En fait, c'était un standard, c'est un standard, parce que ça existe encore, bien évidemment, américain, purement commercial, pour passer sur les radios américaines, le format, par exemple, des titres entre 3 et 4 minutes grand max, et puis souvent, on trouve la même structure, un clavier, une guitare, un chant lead, voilà quoi. Bah, c'est ce qui faisait fureur dans les années 80, toute la musique de la côte ouest américaine, les Foreigners, Toto, autres Journey et compagnie. C'est exactement Michael ça. Bolton aussi. Michael Bolton. Et Winger aussi, un petit peu peut-être, non? Oui, je pense que Winger, on peut les mettre là-dedans aussi. Hein. Au début, oui. Et donc, voilà, on a voulu se faire plaisir, et donc on les a appelés, et ils ont dit banco, et voilà. Donc, trois groupes à l'affiche cette année, dont un groupe en tête d'affiche qui cartonne énormément. Voilà. Et puis là, tu as envie de nous faire découvrir un nouveau titre de Prisma? Voilà, pour la petite nouveauté, parce que pour les fidèles auditeurs et auditrices, c'est vrai que on a fait une émission spéciale par rapport au mini EP. On a pris un peu plus de temps que prévu pour finaliser notre nouvel album, donc il n'est pas sorti. Mais j'ai quand même, pour faire pour l'émission de soir, voilà, sorti de la table et du PC, j'ai sorti un mix à peu près finalisé d'un nouveau titre qui s'appelle Tell Me Why. C'est pour ça que j'étais étonné que tu... j'étais persuadé que tu disais Tell Me Why pour le groupe d'avant. Encore mes excuses. Et donc, voilà, c'est la petite nouveauté. Et on l'interprétera, évidemment. Il y aura quand même pas mal de nouveaux titres hein, sur la setlist de samedi. Hein. Donc ce soir, c'était une excuse, une version démo, voilà. Voilà, on va dire ça, exactement. Eh ben, on va découvrir tout ça tout de suite. I want the wine. l'instant, c'était bah Chris, tu as bossé un peu, hein. C'était Tell Me Why, donc de Prisma. Donc brut de décoffrage, hein, voilà, c'est vraiment une démo pour l'instant en tout cas. Et puis et ben voilà, ce que je propose en tant que Zikos de Prisma et puis de président de l'asso Cric Forzik, bah pour nos auditeurs, voilà, il y a un petit cadeau à gagner. Notamment bah tiens, une entrée gratos au Cric Fest 2. Pour cela, il suffit tout simplement d'appeler la radio Christophe au 02 38 43 48 00. Tout à fait. Et je connais par cœur, je l'appelle un petit peu de temps en temps. Et donc il m'évite de m'endormir en fait. Hein, comment? Il m'évite de m'endormir. C'est ça. Et donc tout simplement donner le titre du mini EP qu'on a sorti l'année dernière. Plutôt que ça déjà. Déjà? Oh, ah oui, t'as raison, oui, ça oui, date, ça date, oui. Peut-être même fin 2020, si mes souvenirs sont fin bons. 2020, exactement. Mm-hmm. Très bonne mémoire, Christophe. C'était un test aussi en même temps. Il suit quand même, hein. Ouais, c'est bien. J'ai pas encore Alzheimer. Ça, je vois, c'est ma classe. Désolé, j'ai chopé la crève en plus. Donc voilà, le petit cadeau, tout simplement. Vous appelez Christophe, et puis vous lui donnez le nom. Du mini EP de Prisma, et vous avez gagné. Il suffira juste de donner votre nom de famille et prénom, et pour qu'on puisse vous faire rentrer. Voilà. Voilà. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Un peu de heavy metal made in Argentina, ça vous dit? Et ben, on va revenir donc au deuxième album de Power and Glory, un groupe argentin. C'est vrai que ce que je disais ces dernières semaines, c'est un cliché ambulant, tout y est, au niveau du look, des paroles, de la pochette et tout. Mais malgré tout, c'est très bien fait, on sent l'hommage sincère et du coup, ça passe très très bien sans que on dise, on crie au plagiat. Extrait de cet album, de ce groupe, un morceau, le titre, rien que le titre aussi, ça s'appelle No Guts, No Glory. Wow. 747 Strangers in the Night de Wheels of Steel, sorti en 1980 de Saxon, bien sûr. Bah, vous demandez pourquoi j'ai choisi ce morceau? Bah, tout simplement parce que ce soir, c'est la 747e émission d'Electric Shock. Electric Shock, donc, je vous rappelle, ouais, tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et puis, juste avant Saxon, Power and Glory, voilà, avec le morceau No Guts, No Glory, extrait de Road Werewolves, sorti en début d'année 2022, mais qu'on vient de se procurer. Très bon choix. Voilà. Eh bien, puisqu'on parlait de Prisma tout à l'heure et du Creekfest et de ce groupe, il y a Warm Up, dont j'ai la chance d'avoir un des membres éminents ici dans le studio. Absolument. Donc, parle-nous un petit peu de, bah, du groupe. Alors, Warm Up, groupe créé il y a une quinzaine d'années. Alors, c'est pas si fréquent, des groupes qui durent amateurs, comme on dit, qui durent une quinzaine d'années. C'est, ça relève du miracle. Groupe composé, comme souvent, autour de une poignée de potes qui se dit tiens, si on s'y remettait. Et puis l'histoire dure depuis 15 ans. Alors moi, je suis le dernier rejeton, hein, de la fratrie, rentré dans l'affaire il y a à peu près 4-5 ans. Voilà, mais tout ça dure depuis 15 ans autour de l'idée du rock et du hard rock avec une passion commune. Voilà. Alors, comme beaucoup de gens, hein, autour des années 70 et 80. Et puis d'abord sur beaucoup de compos, et puis dans un passé plus récent, avec quelques covers, et puis cette partie-là s'est un peu développée. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, avec de l'anglais et du français, ce qui n'est pas si fréquent. Ok, donc, bah, puisque tu as des textes en français, de quoi vous parlez ? Alors, comme souvent, vous savez, l'originalité, moi j'ai essayé d'en écrire parfois, les filles, c'est jamais très loin, alors on appelle ça comme on veut, l'amour, mais enfin, il y a toujours des histoires de cette nature-là. Puis quand on essaye de pas en reparler, en général, c'est marrant, parce qu'on reprend le stylo à la chanson d'après, et c'est quand même ça qui revient une fois suivant. Mais notre ami Michel, chanteur, a le talent aussi de parfois aborder des choses un petit peu plus ambitieuses. Alors on va pas plomber l'ambiance, mais une des dernières écrites, par exemple, il était un peu en avance, malheureusement, sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Alors lui, il n'avait pas visé l'Ukraine, mais il avait visé un peu, d'une manière plus générale, ce type de conflit. Et ben voilà, malheureusement, il avait visé juste. Un des derniers textes qu'il avait pondu était sur cette mauvaise habitude qu'on a de se taper sur la tronche pour des mauvaises raisons. Ça changera jamais. Hein. Non, je ne crois pas non plus. Malheureusement. Et Warm Up, comment on peut décrire ça musicalement ? C'est du hard rock, du heavy metal, du thrash, du black, du death ? Alors moi, je suis pas un hyper spécialiste et j'ai l'habitude de dire, je sais pas si ça parlera à des gens. Je m'occupe un peu du petit Facebook, voilà, et je mets souvent classique avec un C à la fin, hard rock, parce que quand même, ce qui nous réunit tous, encore une fois, c'est pas de la première jeunesse, mais c'est Deep Purple, années 70-80, c'est des choses comme ça. Et je trouve que quand même, on va pas dans des choses très très métal, et qu'on reste très proche de cet esprit-là, et que c'est quand même ce qui nous éclate le plus. Et même quand c'est du français, nos références, c'est pas d'une originalité folle, hein, mais il y a un groupe français, ça commence par T, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Ça finit par T, là. Oui, aussi. Ah oui. On tourne quand même toujours autour de ça parce que c'est ce qu'on aime bien. Donc j'appelle ça classique hard rock. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi ça me parle. Et donc, comme tu disais, que votre groupe existe donc depuis une quinzaine d'années. Vous avez plusieurs albums à votre actif ? Non, malheureusement. Alors encore une fois, moi je suis le dernier rejeton, mais c'est la chose qui n'a pas été développée. C'est-à-dire que d'un autre côté, je pense que c'est aussi parce que le plaisir de jouer a dominé tout le reste, et finalement au départ l'idée c'était de jouer le plus possible pour se faire plaisir. Et cette partie-là n'a jamais été privilégiée, alors probablement à tort, parce qu'il y a plein de super compos. Mais on est encore jeune, n'est-ce pas ? Ah, mais il n'est jamais trop tard. Exactement. Mais j'imagine que c'est un truc qui vous a souvent été demandé à la sortie d'un concert. Absolument, si vous aviez une démo, absolument. Quelque chose, Et je ne désespère pas qu'on s'y mette, parce que c'est vrai que finalement, ça ne rajoute que du plaisir au plaisir, même si moi j'aime beaucoup jouer dans toutes les salles possibles et imaginables, et dans les festivals, ça tombe bien, il y en a un samedi, comme vous savez. Mais oui, faire sa petite galette bien produite, c'est quand même sympa. Mais bon, visiblement, vous avez quand même déjà bossé un petit peu en studio, puisque j'ai quand même deux titres ce soir à passer. Absolument, absolument. Il y a eu des choses de fait, de maquettées, comme on dit, de manière modeste mais sérieuse, et qui permettent en effet de faire écouter à tout le monde, même à ceux qui viennent pas forcément nous voir, mais on espère bien que ils sont rares. Okay. Bah, parle-nous du morceau qu'on va se passer, donc d'une démo qui s'appelle, le morceau c'est Déclic. Parle-nous un petit peu. Alors, morceau en français, ce qui n'est pas si, encore une fois, pas si fréquent, mais même dans notre répertoire, il n'y en a quand même pas énormément. Celui-ci a un tempo un peu élevé, ce qui n'est pas non plus très fréquent, puisque, comme je disais, on a un peu roots. Et pour pas changer, il y a des histoires d'amour dans l'affaire, évidemment. C'est le déclic. Voilà, tout simplement. Voilà. Vas-y. Il y avait Manara pour ceux qui ont lu les BD, c'était le déclic, c'était encore autre chose. J'ai jamais osé psychanalyser Michel pour savoir s'il y avait pensé quand il avait écrit le texte, mais je vais y réfléchir. Ok, bon, bah, tiens, si je le vois samedi, je penserai peut-être à lui demander. Voilà, on lui posera la question, voilà. Tiens. Si on y pense. Ok, ben, on va découvrir Warm Up avec Déclic maintenant. À l'instant avec extrait du groupe Warm-up. Voilà, merci Fred. Donc voilà, vous avez un petit aperçu donc de ce qu'est Warm-up. Donc justement, on parlait de des trois groupes. Nous venons d'avoir Yvan de groupe Earthline qui vient donc d'appeler. Alors j'espère qu'on n'aura pas les problèmes qu'on a rencontrés les dernières fois. Normalement, il est en attente, donc j'espère que tout va fonctionner correctement. Allô? Ah, visiblement, ça a merdé. Bon, alors, on va réessayer, apparemment. Ah non, là, ça a recroché, là. Bah, pendant ce temps-là, on peut peut-être meubler, Fred. Hein, parce que là, oui, parce qu'on est en suspens, nous. Eh bien, non, je crois que nous avons un problème. On ne va pas pouvoir parler avec Yvan de Earthline. Dommage, dommage, dommage, dommage. Donc, bon, c'est les inconvénients du direct, on va dire. Bah voilà, ouais, malheureusement. Donc, on en parlera tout à l'heure parce qu'on en diffusera tout à l'heure, mais je pense que c'est pas tout nécessaire. Bon, on continue quand même l'émission. Ouais, bah t'as qu'à passer un titre. Tout à fait. Voilà. Alors, ces dernières semaines, vous avez remarqué que nous fêtions les 40 ans de l'album mythique Kill 'Em All à travers des versions live. Ouais. Donc pour ce soir, je me suis dit, le classique en live incontournable qui est toujours joué, c'est le fameux Seek and Destroy, bien sûr. Et là, je nous ai choisi une version jouée en Amérique du Sud, au Mexique. Extrait donc d'un CD-DVD qui était sorti exclusivement en Argentine, qui s'appelle, alors, je m'excuse pour l'espagnol, Orgullo, Passion y Gloria, Tres Noches en la Ciudad de Mexico. Wow. Je m'épate moi-même. Joli. Donc, carrément la classe. Voilà. Mm. On s'envoie ça tout de suite maintenant. We'll be right back. Il n'y a pas de quoi, James. Seek and Destroy, Metallica, extrait d'un double CD, double DVD sorti en Amérique du Sud, c'est une exclue. Orgullo, Passion y Gloria, Tres Noches en la Ciudad, c'était Seek and Destroy, donc voilà. Eh bien, on va retenter autrement avec l'ami Chris d'avoir donc Yvan du groupe Earthline qui sera donc fait partie des groupes qui seront à l'affiche de la deuxième édition du Creek Fest. Voilà, donc là l'idée, le micro... On fait que les moyens du bord. Il y a Yvan sur mon portable là, et c'est moi qui vais retranscrire tes questions parce qu'il n'entend pas sinon, il n'a pas le retour. Il n'entend rien. Voilà, il n'entend rien. Par contre, d'accord. Là tu l'as entendu là. Vas-y Yvan, vas-y. Si tu veux parler pour te présenter. Ouais, moi je t'entends. Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est bon, t'entends bien. De mon côté, à part ta voix, je n'entends absolument rien. C'est normal, il ne peut pas y avoir de retour. Dans ces cas-là. D'accord. Alors vas-y, si tu veux présenter Earthline. Voilà, ouais, tout simplement, oui. Donc bonsoir tout le monde, je m'appelle Yvan Guivig, je suis le guitariste et le fondateur du groupe Earthline, qui est un groupe donc français qu'on a créé en 2020. C'est ce qu'on appelle du AOR Melodic Rock. Avant on appelait ça du Hard FM, qui est un terme que j'aime pas du tout. Mais concrètement, c'est un petit peu ce genre de musique qu'on fait. On a fait un album qui est sorti en novembre 2021 qui s'appelle Back in a Game. On sera donc au Creek Fest 2 samedi. Et la petite news en exclu pour vous, c'est que le deuxième album sortira le 23 juin. Yes. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci Yvan pour ça, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'on aura des morceaux de cet album en avant-première. Alors, alors, la question de Christophe, est-ce qu'il y aura donc des extraits du nouvel album au concert samedi? Alors, oui, on va jouer 3 titres du nouvel album. Yes, 3. Donc, ouais. On est gâtés. Hein. Ouais. On est très contents de les amener sur scène. Donc, il y aura 3 nouveaux titres. D'accord. Vas-y Christophe, t'as une question? Tu disais que le groupe existait depuis 2020. Vous avez eu l'occasion de tourner un petit peu partout en France? Est-ce que vous avez eu l'occasion de tourner un petit peu partout? Je sais qu'il y a eu le Covid, bon. En France depuis 2020-2021 quoi. Bah on a sorti l'album donc en 2021. On a fait le premier concert, c'était en 2022 en fait. C'était à Paris, c'était à la Boule Noire, on a fait un super concert à la Boule Noire, on était très content. On s'est promis un petit peu, on était dans le Nord, on a été en Belgique, le mois dernier on jouait en Belgique. On a été dans le Finistère, en Haute-Bretagne, là, donc ça n'a pas été monstrueux, parce que c'est extrêmement difficile en ce moment de tourner pour absolument tout le monde, oui. mais on y arrive un peu quand même. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que le Covid, ça a fait en fait que maintenant il y a tellement de groupes qui veulent jouer que il y a de saturation sur le marché quand même. Ouais, ben oui, comme dit Christophe, à cause du Covid, toutes les dates étant reportées, et tout le monde veut jouer, donc c'est un peu le goulet, hein, n'est-ce pas? Tu confirmes? C'est très compliqué, puis il y a plein de choses qui sont greffées depuis, hein, le prix des carburants, enfin tout est tellement remonté que ça devient difficile pour les groupes, pour les organisateurs, c'est pas une période super. En ce moment, on espère que ça va vite se régler cette histoire. On est d'accord, exact. Ouais, donc tu disais que tu fais ce qu'on appelle de l'AOR, ce que les Américains du moins appellent de l'AOR et que nous on appelait en France Hard FM. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Oui. Mais quel genre de AOR? Parce que l'AOR c'est quand même vague aussi, c'est quand même très large aussi, parce que ça va de Michael Bolton à Bon Jovi en passant par Foreigner ou des trucs voire même un peu plus musclés. Donc Christophe pose la question par rapport à l'AOR. Il demande quel genre d'AOR, parce que AOR d'après lui donc ça comprend Journée, Bon Jovi. Un petit peu tous les groupes qu'on entendait à l'époque quoi. Même des gens comme Christopher Cross. Bon Jovi dans l'AOR, pour moi c'est on est plus près du hair metal, du glam metal que du vrai AOR. Non, Journey c'est exactement le bon truc. Ouais. Il y a des claviers très qui sont bien là, il y a quand même des constructions de morceaux un peu chiadés. Il y a des gros refrains, c'est très mélodique. Oui. Donc plutôt des groupes comme Journey, des groupes comme Winger par exemple. Je l'ai cité tout à l'heure, je me suis pas planté. Yes. et puis sinon dans les groupes peut-être qui sont moins plus classique rock, moi j'aime beaucoup Whitesnake. Cool. Bad English, etc. Donc c'est vraiment plutôt sur ce terrain. Foreigner. soigneur. C'est vraiment sur ce terrain-là qu'on est, quoi. Ok. Impeccable. Alors, ouais, donc vraiment, ce qui faisait vraiment fureur dans les années 80, début des années 90, avant que le grunge ne balaye tout ça, quoi, quelque part. Ouais, à cause du grunge, Christophe pense que, voilà, c'est le grunge qui a balayé la OER. Pas que la OER, d'ailleurs, le grunge a fait pas mal... Je sais pas si on peut dire ça, en fait, parce que je pense que c'est cyclique, hein, le punk a balayé, après c'est fait balayer, le grunge a balayé, après c'est fait balayer. Ouais. Je pense que c'est, voilà, c'est ça a été autre chose, hein. De toute façon, il fallait que c'était une fin de cycle, à mon avis. La roue tourne. La roue tourne. Ouais, exactement. Ça, t'as une autre question? Écoute. J'aime bien, je fais le relais, mais ouais. Je vais me faire embaucher par la radio, moi, tu vois. Le salaire est vraiment réduit à sa plus simple expression. On va pas s'entendre. Je suis hors de prix, Christophe, c'est pas possible. Non, j'ai quoi. Bon, bah, ok, bah, écoute, si tu veux bien, bah, je. Ouais, à quoi doit-on s'attendre, donc, samedi soir, au niveau du concert? Voilà, bah, à quoi doit-on s'attendre, donc, samedi, au concert, d'Ortline? Bah, c'est une heure et demie de pure horaire. Donc voilà, on va jouer presque l'intégralité du premier album, des nouveaux titres, et puis on a quelques covers de côté là qui j'espère plairont aux gens. Donc voilà, ça va être un concert de hard mélodique. Exactement. C'est comme ça qu'on l'a défini. Exactement l'idée, ça va pas être mou du tout, parce qu'on joue fort et que c'est pas du tout ce que les gens croient des fois. On fait un OR un peu musclé quand même, hein. Ça envoie un peu du pâté. Donc, c'est ce qui m'a plu chez vous. C'est ça. C'est ça. Bah oui, parce que quand même, pour la petite histoire, pourquoi Ortline, en tant que président de l'asso, bah voilà, moi j'ai carrément kiffé, j'ai vu un ou deux morceaux sur YouTube et voilà, j'ai vraiment kiffé. Donc d'où mon appel et puis voilà le deal, pas de problème. On est ravis de venir, hein. Pour le coup, on est vraiment très contents de venir. Ouais, ouais. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un bon concert, que ça plaira aux gens. Il y a pas de raison, on va tout faire pour. Il y a pas de problème. Bah écoute, c'est une super soirée et moi je tiens à applaudir les gens que je pense tous les gars de l'association, c'est Cric Fest, l'association, je pense. Le Cric Fanzik, ouais. Cric Fanzik, l'asso, ouais. Ouais, d'avoir des gens qui comme ça, qui vont à fond, puis qui essaient de faire tourner ce genre de musique, parce que c'était quand même carrément parent pauvre de la scène, on va dire, métal en France. C'est vraiment là, tout ce qui est ouvert, parce qu'en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, ça dans le pays nordique, ça marche carrément super bien. Ouais. Ici, c'est quand même très compliqué. Donc, ouais, bravo à vous, quoi. Bah, écoute, voilà, quand on aime, voilà, on met les petits plats dans les grands. Et puis, voilà, on se fait plaisir avant tout. Et puis, bah, après, on espère que, voilà, on puisse partager tout ça avec plein, plein de monde. Moi, j'ai un rêve, voilà, c'est de faire péter la salle et passer une putain de bonne soirée. Voilà. Bah, voilà, c'est exactement ce qu'on veut aussi. C'est cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis désolé encore, hein, pour le petit souci technique, mais bon, ça l'a fait. Là, je te promets, tout le monde entend bien ta voix, donc pas de souci là-dessus. Bah écoute, je te dis à samedi, Yvan. Ben oui, avec grand plaisir. À Et bientôt. Puis bonne soirée à toi. Merci bien. Ciao. Ciao. Merci. Salut. Bah merci Chris d'avoir pris le relais. Comme ça, bon, on a pu quand même discuter un petit peu, t'as eu le bout de gras avec... Désolé si le son n'était pas forcément là, mais bon, voilà. On a fait ce qu'on a pu, voilà. Exactement. Et ben, on va découvrir maintenant, donc, Ortline, hein, ouais. Normal, avec Fire Dance, donc puis, extrait de Back in the Game. On n'oublie pas le petit jeu. Et je vous rappelle qu'il vous reste encore un peu plus de 3/4 d'heure. Tout à l'heure, il y a eu des appels et ça se trouve, c'était peut-être dedans. C'est peut-être ça. Donc, si vous avez tenté votre chance tout à l'heure, essayez de rappeler au 02 38 43 48 00. Pour gagner un avis de ce soir, on rappelle la question, c'était... Comment s'appelle le titre du mini EP 4 titres donc de Prisma? Eh bien, en attendant, Ortline avec Fire Dance. Fire Dance, donc c'était donc le groupe Earthline qui sera donc samedi soir tête d'affiche de la deuxième édition du Creekfest, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Donc voilà, donc un petit aperçu donc de ce qu'il y aura samedi soir, entre c'est autres. Ça. Tu veux que je parle un petit peu plus du Creekfest 2? Vas-y. J'ai peut-être oublié de dire concernant donc les tarifs. Il est encore temps pour les préventes, mais par contre je les ferme à jeudi, donc dans deux jours aux alentours de 20h. Donc pour aller récupérer un billet en prévente, vous allez directement sur la page Facebook de Creek for Zik, donc vous tapez tout simplement Creek, donc c'est C-R-I-C-K, plus loin F-O-R, plus loin Z-I-K. Et sur la page, vous trouverez tous les liens pour aller chercher la billetterie. Si vous croisez une affiche en centre-ville ou chez des partenaires, il y a un QR code cette année. Je trouve ça excellent, les technologies. Il suffit de scanner le truc et vous avez directement le lien sur la page, direct. Voilà, donc c'est quand même bien pratique. Donc en pré-vente, c'est à 12 balles. Et si vous loupez le coche d'ici jeudi soir, après c'est sur place, en croisant les doigts qu'il y ait encore de la place, parce que je suis limité évidemment, et donc le tarif passera à 15 €. Alors ça c'est pour les adultes, j'ai oublié de signaler depuis un bon moment que pour les enfants forcément le tarif est réduit. Alors j'ai plus en tête, désolé, j'ai tellement de choses en tête, j'ai plus en tête les tarifs exacts, mais en tout cas c'est un tarif réduit... pour les enfants, les enfants jusqu'à 46 ans, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Ah, c'est à peu près ça. Si c'est le même. Quand tu parles d'enfants, oui. Tu parles physiquement ou mentalement? Parce que mentalement, là, je crois que dans la pièce, on est tous bons, hein. Ouais, tout le monde va rentrer. On est tous en dessous de 10 ans, hein, mentalement. C'est ça. J'ai oublié de préciser, évidemment, il y aura de quoi se restaurer nos fameux. Sandwich du Creekfest, parce que tout le monde nous en a dit du bien l'année dernière. Donc il y aura trois sortes de sandwich très très frais. C'est que des produits locaux en plus. On a la chance d'avoir un boulanger que tout le monde connaît dans la région. Bref. Et puis évidemment une buvette. Il y aura aussi un stand de... il y aura notre merch, le merch d'Earthline évidemment. Je sais pas si Warm Up vous avez un merch. Je ne pense pas. Nous avons nos petites cartes, quelques jolis t-shirts, mais je ne sais pas si on prend un petit espace. D'accord. Et donc, il y aura le stand de nos amis Core Backstage. C'est des fringues métal, hard, rock, des bijoux et tout ça. Et cette année, petite nouveauté, il y aura un stand de tatou éphémère. Voilà. Décidément. Et j'ai oublié de préciser... Donc il y a un grand parking et je vous invite à faire du covoiturage vu le prix de l'essence, hein. Voilà, et le parking sera surveillé. Voilà. Ok. Bon, je vous rappelle qu'il vous reste un petit peu plus d'une demi-heure pour rafler une place. En attendant, on va faire un petit tour aux États-Unis avec, ça doit te plaire ça, Christophe, le groupe de métal progressif Ice Age. Ah bah oui. On passe depuis plusieurs semaines. Extrait donc de leur troisième album Ways of Loss and Power, et le morceau de ce soir c'est All My Years. Outside Looking It, ça c'est des éternels oubliés du métal progressif, Fate's Warning. Avec un extrait de l'album Inside Out qui était sorti en 1994. Plus récent, puisque sorti en début d'année, le groupe Ice Age et leur album Waves of Loss and Power, c'était All My Years. Eh ben, on va revenir à Warm Up. Fred, tu as travaillé un petit peu. Mais c'est parti. Donc, on va se passer donc un deuxième titre de Warm Up. C'est Soleil Noir. Alors, si tu peux nous en dire deux petits mots. Oui, alors Soleil Noir, c'est probablement le morceau en français un peu historique du groupe. On a la chance d'avoir même des copains à nous qui écrivent des textes. Et celui-ci, il en fait partie. Et je n'ose dire depuis combien de temps il a été écrit. Apparemment, fort longtemps. C'est notre ami Philippe qui nous a écrit ça. Comme son nom l'indique, c'est pas très joyeux. Hein, mais comme, si vous écoutez, vous allez voir. Soleil Noir, c'est un petit rapport avec des gens pas forcément joyeux, mais qui s'accrochent à un truc qui les tient à la vie, qui s'appelle le rock. Ça nous réunit tous. C'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est un morceau qui n'échappe à aucun de nos concerts, tant on y tient. Ok, eh ben c'est parti. Il sera contraint. Fred, c'est oui. toi. C'est à nous. C'est pourquoi? Quoi? Je t'ai réveillé. Non, non, moi j'étais là, j'ai chaud. Non, mais on a fait une séance photo et tout. Donc voilà. Ceci ne nous regarde pas. Vous avez fait ce que vous avez voulu. Non. C'était quoi? Travaille un petit peu, Fred. C'était quoi? Ah ben c'était Soleil Noir, évidemment. Voilà. Ah oui, pardon, tu voulais, que on l'avait dit avant, tu voulais que je le redise après, mais tu sais, je débute dans la radio. Voilà. Donc oui, c'était Soleil Noir, morceau, n'est-ce pas, emblématique de Warm Up. Donc on y aura droit samedi soir. Ah oui, absolument, garanti. Pourtant, on a fait un set, alors c'est toujours difficile pour des groupes de 15 ans, puisqu'on joue une heure, et c'est vrai qu'il faut choisir ce qu'on joue, n'est-ce pas, toujours, c'est le luxe pour tous les groupes d'avoir trop de morceaux, et ben là voilà. Mais Soleil Noir, on n'y coupe pas. On l'aime bien et dans nos petites chansons françaises, celle-ci, elle y est toujours. C'est le standard. Ouais, exactement. Et il est 20h43 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, c'est toujours Electric Shock. Et je vous rappelle qu'il vous reste 17 minutes si vous voulez rafler une place gratuite. Bah ouais. Alors si vous trouvez donc le nom du premier EP de Prisma, on va dire que ça a rapport avec la vie. Ouais, voilà, en trois lettres. Voilà, je vous donne un petit renseignement. Ouais, stop. On va se passer à faire un... J'ai appris que... Je sais que tu es un grand fan d'Iron Maiden. Ah bon? J'imagine que Fred aussi doit bien... Oui, ça. Bien vu. Et j'ai appris que le chanteur Blaise Bellet a eu des gros soucis de santé là récemment. Absolument, là. J'ai vu et ça. Et donc il a dû annuler toute sa tournée. Et voilà, bon, on lui fait un prompt rétablissement. Et je m'étais dit, tiens, si tu peux entendre de chez lui ça, un petit extrait, ça y ferait peut-être du bien. Hein. Extrait de son Live in France, qui est sorti en 2019, qui rappellera un petit peu les concerts qu'il avait donnés au défunt Blue Devils. Oui, exact, oui. Ah, il c'était pas encore le Dropkick à l'époque. Non. On va se faire un petit morceau bien heavy qui s'appelle Escape Velocity. Now you're lighting up the sky. Hypersonic breakout from your last and future night. Well, I've got basic calculations, distance, time, and speed. I got to stand realistic, I'll take. Can you reach escape velocity? Oh, I will fly, my hands become my wings. I will fly. Now you're lighting up the sky. si vous trouvez ce que c'est, vous êtes vraiment très très fort. Bah écoute, on s'est posé la question. On s'est posé la question, on croit entendre Bill Bifford. Non. Et c'est un rapport avec Iron Maiden. Rapport avec Iron Maiden. Ah, parce qu'il y en a qui jouent dedans qui sont de Maiden, c'est ça? Absolument. Il y a quoi? Il y a Paul Di'Anno, il y a Clive Burr. Il faut chercher même bien avant. Oh là. Stramford? Non. Denis Stratton? Non. Ah merde. Bah là j'ai perdu, moi je sais pas. Paul Mario Day, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Paul Mario Day, c'était le premier chanteur d'Iron Maiden. Ah ouais, mais... Entre 75 et 76. Ah, j'étais pas né. Et il a profité aussi de la New Wave of Brit. Après, il s'est fait virer de Maiden parce qu'apparemment, il n'était pas sur scène, il manquait de présence. Ouais. Et il s'est fait connaître un petit peu les années 80, justement, du fait de son passé de Maiden. Et il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Mort. Mort. Tout simplement. M-O-R-E. Et voilà, ils ont fait deux albums, dont un seul, lui, il a fait qu'un seul album. D'accord. Et là, l'année dernière, il est sorti une compile avec des morceaux qui étaient sortis qu'en single. Une session live de la BBC et quelques titres live enregistrés à Donington en 81. D'accord. Voilà. Okay. Et là, ce que tu as passé, ça date de quand, là? 81. Oui. Alors, ça sonnait à mort, ça. Voilà. Exactement. Et le morceau, c'était Atomic Walk, un morceau qui était disponible en single à l'époque. Et okay. Voilà. Extrait d'un album qui s'appelle Live and Rare, tout simplement, sorti en 2021, par contre. Bon, on s'est planté, on n'a pas trouvé, mais bon. C'était dur, hein. Ah oui, là, je vous avoue que je vous ai collé. C'était pour toi, Chris, je me disais, ah bah, t'es fan de Maiden. Bah oui, voilà. Mais moi, je reconnaissais la voix de Saxon, donc je suis désolé, mais. Et la musique de Sinlesi, aussi. Et puis avant, plus récent, mais lui aussi a fait partie de Maiden, Blaze Bayley, avec son Live in France, enregistré en 2018 à côté de Nancy, c'était Escape Velocity. Bah, il nous reste peu de temps, hein, si vous voulez gagner une petite place, dépêchez-vous, il vous reste 8 minutes. On va revenir, on va se faire un deuxième titre de Heartline. Hein. Ouais, volontiers. Eh bien, le titre de deuxième titre, ça va être tout simplement One Night in Paradise. Fear of a possible serial killer after three murders in just over a week. CBS 4's Tony DeCoco has evidence. We'll be right back. One Night in Paradise était Heartline. Heartline qui sera donc tête d'affiche du Creekfest 2 qui aura lieu samedi à Cléry-Saint-André. Exactement, c'est bon. Hein. Bien foutu. Hein. Ouais, je kiffe. Par contre, il reste très peu de minutes hein, si vous voulez rafler une place. Eh ben, oui. Et puis on va se passer le dernier morceau. Mmh. Eh ben, Prisma. Ben, why not? Un extrait donc du EP. Bon, on va dire le titre maintenant. Ben, maintenant on peut. Hein. Ouais. Par contre, allez, on va laisser une chance. On va être gentil. Le premier ou la première qu'appelle au 02 38 43 48 00. Exactement. La place, elle sera pour celui-là. Donc, on va se faire Dream for You, c'est ça? Yes. Et après, on va se dire au revoir. Dernier morceau de la soirée pour Electric Shock, c'était Dream for You. Extrait de ADN et Mini-EP, le Mini-EP. De Prisma, donc. Donc Prisma, donc, je vous rappelle, qui sera à l'affiche de la deuxième édition du Creekfest samedi soir en compagnie de Heartline et de Warm Up, dont on a passé quelques extraits. Ben, merci les gars d'être venus. Pas de problème, merci à pour l'invite. Ben, j'espère que, chers auditeurs, on vous retrouvera nombreux samedi soir. Ça serait bien, ouais, ça serait bien, mais bon, c'est en bonne voie. J'espère bien, oui. En tout cas, on a passé un bon moment. La semaine prochaine, ce sera une émission spéciale, puisque je recevrai le groupe Orpheum Black qui va nous présenter donc le nouvel album qui sortira début mai. D'accord. Donc, ne ratez pas Electric Shock non plus la semaine prochaine. Très bien. Très bien. Eh bien, Chris, Fred, merci à vous d'être venus. Merci à toi, encore. Et à très bientôt. Passez une bonne semaine. Écoutez plein de métal, Radio Arc-en-Ciel. Et puis, n'oubliez pas le Creekfest samedi soir à Cléry-Saint-André. Salut à tous. Bye bye. Salut. Precisamente a revelação de Christine Ormier, de que terá reunido com um enorme grupo do PS, entre eles deputados, chefes de gabinete, assessores, no dia imediatamente antes de ter vindo aqui à Assembleia da República, a 17 de janeiro, prestar declarações sobre a saída de Alexandra Reis da Companhia Aérea. Até porque o PSD, que ainda não chegou a